Chapitre 9. La maison de neige. Le 23 octobre à 11h du matin, par une belle lune, la caravane se mit en marche. Les précautions étaient prises cette fois, de façon que le voyage pût se prolonger longtemps s'il le fallait. Jean Cornbutte suivit la côte en remontant vers le nord. Les pas des marcheurs ne laissaient aucune trace sur cette glace résistante. Aussi Jean Cornbutte fut-il obligé de se guider au moyen de points de repère qu'il choisit au loin. Tantôt il marchait sur une colline tout hérissée de pics, tantôt sur un énorme glaçon que la pression avait soulevé au-dessus de la plaine. À la première halte, après une quinzaine de milles, Penellan fit les préparatifs d'un campement. La tente fut adossée à un bloc de glace. Marie n'avait pas trop souffert de ce froid rigoureux, car par bonheur, la brise s'étant calmée, il était beaucoup plus supportable. Mais plusieurs fois, la jeune fille avait dû descendre de son traîneau pour empêcher que l'engourdissement n'arrêtât chez elle la circulation du sang. D'ailleurs, sa petite hutte, tapissée de peau par les soins de Penellan, offrait tout le confortable possible. Quand la nuit, ou plutôt quand le moment du repos arriva, cette petite hutte fut transportée sous la tente où elle servit de chambre à coucher à la jeune fille. Le repas du soir se composa de viande fraîche, de pemmican et de thé chaud. Jean Cornbutte, pour prévenir les funestes effets du scorbut, fit distribuer à tout son monde quelques gouttes de jus de citron. Puis tous s'endormirent à la garde de Dieu. Après 8 heures de sommeil, chacun reprit son poste de marche. Un déjeuner substantiel fut fourni aux hommes et aux chiens, puis on partit. La glace, excessivement unie, permettait à 6 animaux d'enlever le traîneau avec une grande facilité. Les hommes, quelquefois, avaient de la peine à le suivre. Mais un mal dont plusieurs marins eurent bientôt à souffrir, ce fut l'éblouissement. Des ophtalmies se déclarèrent chez Haut-Pic et Misonne. La lumière de la lune frappant sur ces immenses plaines blanches brûlait la vue et causait aux yeux une cuisson insupportable. Il se produisait aussi un effet de réfraction excessivement curieux. En marchant, au moment où l'on croyait mettre le pied sur un monticule, on tombait plus bas, ce qui occasionnait souvent des chutes, heureusement sans gravité, et que Penellan tournait en plaisanterie. Néanmoins, il recommanda de ne jamais faire un pas sans sonder le sol avec le bâton ferré dont chacun était muni. Vers le 1er novembre, 10 jours après le départ, la caravane se trouvait à une 50aine de lieues dans le nord. La fatigue devenait extrême pour tout le monde. Jean Cornbutte éprouvait des éblouissements terribles et sa vue s'altérait sensiblement. Haut-Pic et fidèle Misonne ne marchaient plus qu'en tâtonnant, car leurs yeux bordés de rouge semblaient brûlés par la réflexion blanche. Marie avait été préservée de ces accidents par suite de son séjour dans la hutte qu'elle habitait le plus possible. Penellan, soutenu par un indomptable courage, résistait à toutes ses fatigues. Celui qui, au surplus, se portait le mieux et sur lequel ses douleurs, ce froid, cet éblouissement ne semblaient avoir aucune prise, c'était André Vasling. Son corps de fer était fait à toutes ses fatigues. Il voyait alors avec plaisir le découragement gagner les plus robustes, et il prévoyait déjà le moment prochain où il faudrait revenir en arrière. Or, le 1er novembre, par suite des fatigues, il devint indispensable de s'arrêter pendant un jour ou deux. Dès que le lieu du campement fut choisi, on procéda à son installation. On résolut de construire une maison de neige que l'on appuierait contre une des roches du promontoire. Fidèle Misonne en traça immédiatement les fondements qui mesuraient 15 pieds de long sur 5 de large. Penellan, Haut-Pic, Misonne, à l'aide de leurs couteaux, découpèrent de vastes blocs de glace qu'ils apportèrent au lieu désigné et ils les dressèrent comme des maçons eussent fait de murailles en pierre. Bientôt la paroi du fond fut élevée à 5 pieds de hauteur avec une épaisseur à peu près égale car les matériaux ne manquaient pas et il importait que l'ouvrage fût assez solide pour durer quelques jours. Les 4 murailles furent terminées en 8 heures à peu près. Une porte avait été ménagée du côté du sud, et la toile de la tente, qui fut posée sur ses 4 murailles, retomba du côté de la porte qu'elle masqua. il ne s'agissait plus que de recouvrir le tout de larges blocs destinés à former le toit de cette construction éphémère. Après 3 heures d'un travail pénible, la maison fut achevée et chacun s'y retira, en proie à la fatigue et au découragement. Jean Cornbutte souffrait au point de ne pouvoir faire un seul pas, et André Vasling exploita si bien sa douleur qu'il lui arracha la promesse de ne pas porter ses recherches plus avant dans ses affreuses solitudes. Penellan ne savait plus à quel saint se vouer. Il trouvait indigne et lâche d'abandonner ses compagnons sur des présomptions sans portée. Aussi cherchait-il à les détruire, mais ce fut en vain. Cependant, quoique le retour eût été décidé, le repos était devenu si nécessaire que pendant 3 jours on ne fit aucun préparatif de départ. Le 4 novembre, Jean Cornbutte commença à faire enterrer sur un point de la côte les provisions qui ne lui étaient pas nécessaires. Une marque indiqua le dépôt pour le cas improbable où de nouvelles explorations l'entraîneraient de ce côté. Tous les 4 jours de marche, il avait laissé de semblables dépôts le long de sa route, ce qui lui assurait des vivres pour le retour sans qu'il eût la peine de les transporter sur son traîneau. Le départ fut fixé à 10 heures du matin, le 5 novembre. La tristesse la plus profonde s'était emparée de la petite troupe. Marie avait peine à retenir ses larmes en voyant son oncle tout découragé. Tant de souffrances inutiles, tant de travaux perdus. Penellan, lui, devenait d'une humeur massacrante. Il donnait tout le monde au diable et ne cessait, à chaque occasion, de se fâcher contre la faiblesse et la lâcheté de ses compagnons, plus timides et plus fatigués, disait-il, que Marie, laquelle aurait été au bout du monde sans se plaindre. André Vasling ne pouvait pas dissimuler le plaisir que lui causait cette détermination. Il se montra plus empressé que jamais près de la jeune fille, à laquelle il fit même espérer que de nouvelles recherches seraient entreprises après l'hiver, sachant bien qu'elles seraient alors trop tardives.